Quatrième partie, chapitre 5 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Quatrième partie, chapitre 5, consolation de l'âme qui est dans la tentation. Philothée, jamais Dieu ne permet ces tentations si violentes qu'à l'égard des âmes qu'il veut élever à la plus grande perfection de son amour. Mais ce n'est pas pour elles une sûreté qu'après avoir passé par ces épreuves, elles doivent y parvenir. Car il est arrivé bien des fois que plusieurs ne correspondant pas dans la suite avec fidélité à la grâce qui leur avait fait soutenir constamment, ont malheureusement succombé à des tentations fort légères. Je vous le dis, afin que si vous vous trouvez jamais dans des épreuves si affligeantes, vous vous consoliez du dessein que Dieu a de vous élever devant ses yeux et que pourtant toujours humble en sa présence, vous ne vous teniez jamais en sûreté contre les petites tentations après avoir surmonté les plus grandes, qu'autant que vous aurez une continuelle fidélité à sa grâce. Quelque tentation donc qu'il vous arrive et quelque délectation qu'il vous en revienne, ne vous en troublez point, durant que votre volonté refusera son consentement à l'une et à l'autre, parce qu'enfin Dieu n'en est point offensé. Quand un homme tombe en défaillance, ne donne aucune marque de vie, on lui met la main sur le cœur, et pour peu qu'on lui sente de mouvement, on juge qu'il n'est point mort, et que l'on peut avec quelques liqueurs fortes et subtiles lui faire revenir ses forces. Jugeons ainsi de l'état de l'âme, dans la violence des tentations, qui semble quelquefois épuiser toutes ses forces. Considérons si le cœur et la volonté ont encore quelques mouvements de la vie spirituelle, c'est-à-dire si la volonté refuse son consentement en rejetant la tentation et la délectation. Car, tandis que ce mouvement reste en notre volonté, nous sommes sûrs que la vie de la charité n'y est pas éteinte et que Jésus-Christ est présent en notre âme, quoi qu'il y soit caché, de sorte que par l'usage continuel de l'oraison et des sacrements et par la confiance en Dieu, nous pouvons reprendre toutes nos forces et vivre toujours en Dieu d'une douce et parfaite vie. Fin du chapitre 5, quatrième partie.